L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. J'ai fait une entrevue aussitôt, 4h du matin, heure du Québec, 9h, heure du Portugal. On va rejoindre Kevin Fortin-Simard de Saint-Prime qui est actuellement tente de se qualifier sur le circuit de la PGA. Ça va, pour qu'il nous raconte un peu son expérience. Salut Kevin. Salut. Kevin, d'abord, où est-ce que tu es actuellement? Dans le fond, c'est ça, au Portugal. Dans le fond, mon tournoi de qualification de circuit européen a pris fin il y a quoi, 2-3 jours déjà. Donc, c'est ça, je suis encore au Portugal. Dans le fond, le voyage, la planète de tout ça, on s'était pas aventuré trop. La deuxième étape devait avoir lieu en Espagne, donc on attendait de voir le résultat. Malheureusement, quelques coups de trop, fait que là, bon, on est en train de mêler où on va et quand. Là. Okay. C'est un peu ça. Les terrains, comment que ça se passe? La compétition, ça ressemble-tu pas mal au Québec ou au Canada? Terrain, conditions, ces trucs-là. Légèrement différent, oui, là, c'est pas la même chose. C'est bien, dans le fond, probablement que j'aurais pu tomber dans des endroits où ça aurait pu être un peu plus similaire. Là. J'étais sur le dessus d'une. Dans le fond, sur le dessus d'une côte là, près de l'océan, dans le fond. Fait que c'était bien venteux, avec pas beaucoup d'arbres, puis c'était assez ferme. Fait que là, la balle rebondissait un peu plus que ce qu'on est habitué à la maison. Là, mais non, c'est pas la raison pourquoi que j'aurais joué deux coups de trop. On rompt pas vraiment bien trop au terrain en tant que tel. OK. Puis la compétition, les golfeurs, c'est-tu meilleur? C'est sûr qu'eux ont un avantage. Je t'ai parlé du vent tantôt. Eux connaissent et ils savent comment se comporter avec ces conditions-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Tu, en termes de calibre, je dirais que c'est similaire. Là. J'ai pas pu percevoir de différence. C'est sûr qu'il y a une grosse différence en termes de style de jeu. Donc, okay. C'est sûr qu'ils sont capables de frapper des balles super basses, ce qu'on voit pas vraiment, admettons, en Amérique tout court. Là, c'est pas de la façon que le golf est joué. C'est le golf en Amérique est comme frappe sur 300 verges dans les airs, puis t'en retrouves, tu continues. Là, tandis qu'ici, là, c'est un peu plus bas, un peu plus. C'est de négocier avec les éléments. Là, fait que ça, c'était bien différent. Là. OK. Dis-moi, comment ça fonctionne? Là? T'as raté ton premier tournoi? Mais c'est pas perdu, j'imagine. Malheureusement, oui. OK, ouais, mais je veux dire pour l'Europe. Le processus de qualif se joue comme dans une séquence de 3 tournois. Là. Donc, c'est vraiment une étape après l'autre. Donc, en passant pas la première, j'accède pas à la deuxième. Donc, pour ce qui est de me qualifier pour l'Europe pour l'an prochain, c'est tombé à l'eau. Donc, là, c'est ça. On n'avait pas fait de gros plans. Tu sais, la façon facile pour moi, c'était juste de dire je m'inscris, puis on va gérer en temps et lieu. Là, puis juste me concentrer sur ce que j'avais à faire là. Fait que non, j'ai pas fait un gros exercice de savoir qu'est-ce qui s'en vient, où c'est que je vais, qu'est-ce qui arrive après, c'est quoi l'an prochain, c'est quoi les tournois, c'est quoi je suis au golf, c'est quoi que. Ouais. J'ai du temps devant moi, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça juste m'en aller en Espagne là, puis dire parce que j'ai un tournoi dans une couple de semaines. Malheureusement, ça, c'est pas le cas. J'ai fait des démarches un peu. Voir du côté asiatique s'il n'y avait pas des petits trucs, mais là, à date, j'ai pas eu de rebound encore, mais non, fait que ça, je suis encore là-dedans, je suis encore en train de fouiner à gauche et à droite, voir si je peux pas jouer au golf encore un petit peu avant de retourner au Québec. Est-ce que t'as manqué par beaucoup? Est-ce qu'il en prenait combien pour la deuxième étape? Dans le fond, c'était les 20 premiers et égalité, dans le fond, qui passaient, ça a passé à plus 1, j'ai terminé, moi, à plus 3. Fait qu'en mariais-tu gros, non. Non, okay. Mettons que des coups, là, je pourrais en trouver un et un autre. J'ai eu une semaine assez, assez dur, là. J'ai pas coutume d'avoir des semaines compliquées comme ça. Ça m'arrive d'avoir des mauvais scores, des mauvaises journées, là. Ouais. Mais non, ça a été une grosse bataille pendant 4 jours, puis d'avoir manqué ça par 2 coups, ben plate un peu, parce que Ouais. mon golf était pas si mal, malgré le fait que j'ai eu de la misère un petit peu sur quelques trous, sur quelques swings, mais bon, ça fait partie du challenge, ça fait partie de la game, là. Ok, dis-moi si donc là tu te reposes, j'imagine? Ouais, ben à date, on n'a pas c'est assez c'est ça, on n'a pas le temps trop de se Ouais. reposer. C'est assez autant que ça aurait été simple de savoir, on s'en va en Espagne parce que j'ai un tournoi, puis on book, faut être proche là-bas, puis blabla. Quand tu te ramasses à savoir on va où, puis on sait pas quoi, puis il y a comme 1000 options, puis on sait pas trop ce qu'on fait. Fait que ça a été tough, là. On n'est pas très très avancé, là. On sait qu'on prend un train demain, mais ça va pas plus loin que ça, là. C'est tout ce Ok. qu'on voit trop encore, là. Dis-moi, je reviens sur l'histoire de l'Asie, là. T'as commencé tes démarches tranquillement, pas vite? Ben, dans le fond, c'est à force de fouiller, puis dans le fond, quand le tournoi était terminé, c'était pratiquement comme bon, c'est beau, là, mais mes bâtons sont remisés pour le reste de la saison, c'est fini. Puis non, c'est ça, là, à force de fouiller les vols, où est-ce qu'on va, bon, nous, on est allé en Asie quand même déjà 3 fois, Ok. là. Fait que, non, j'ai comme tombé sur qu'il y avait l'Omnium de Thaïlande, comme dans début novembre. Fait que là, j'ai fait des démarches à voir s'il y avait un moyen de qualifier pour ça ou quelque chose, mais c'est ça, là, j'ai pas eu de rebound, j'ai pas eu de réponse. Fait que là, ben, c'est ça, là, tout ça est un peu en veilleuse, mais je continue de fouiner, là, si jamais je trouve quelque chose, puis que ça peut fitter dans l'horaire. C'est pas dit que j'amènerai pas les bâtons, puis qu'on partira pas en famille là-bas, mais pendant une couple de semaines Ok, pour aller jouer donc au golf, puis voyager. tu sais pas quand est-ce que tu rentres au Québec, en fait, là. Non, ça, on n'a pas de date de retour encore. Ben, on sait qu'on va être là à partir de début décembre, ça c'est certain, là. Ma conjointe recommence à travailler début décembre. Fait que non, mais ça, on est en train de planifier ça un peu au jour le jour, là, puis quand on va avoir un peu plus de détails, ben, on risque d'en informer les gens, là. Bon. Ben, Kevin, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler directement de l'Europe, directement du Portugal, puis on s'en reparle, puis on te suit là-bas, ce que tu fais. Un gros merci. Le golfeur natif de Saint-Prime, Bye bye. Kevin Fortin-Simon.